Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges? Les études des enfants? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécur Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances, distribuée par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale, selon conditions et exclusions contractuelles en vigueur. 4 questions pour se fâcher entre amis, c'est le sujet de nos émissions cette semaine. On commence sans plus attendre aujourd'hui avec la première question qui est un paradoxe, le paradoxe de l'œuf et de la poule, ici présenté par deux rongeurs. Dis donc, j'ai une idée. Si on prenait un œuf pour se lancer dans l'élevage, et comme ça on aura tous les œufs qu'on voudra. Ah ouais d'accord, mais c'est une poule qu'il nous faut alors. Ah non, ce qu'il nous faut c'est un œuf. Il nous faut un œuf. C'est de l'œuf que viendra la poule. Ah ouais, d'accord. Mais sans poule, qui c'est qui va faire l'œuf? La poule que l'œuf avait faite. Ah ouais, mais pour faire une poule, faut avoir un œuf. Ben oui, mais il faut d'abord que la poule fasse l'œuf. Et puis l'œuf fera la poule. Ah ouais. Attends, on peut reprendre depuis le début? Et oui, reprenons depuis le début. Bonjour Étienne Klein. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe des sciences. Les auditeurs de France Culture vous connaissent parce que vous proposez une conversation scientifique tous les samedis à 16h. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un discours sur l'origine de l'univers qui nous sera bien utile aujourd'hui. Et nous comptons sur vous pour nous aider, non pas à résoudre tout de suite, il faut quand même un peu de suspense, mais au moins à comprendre ce paradoxe de l'œuf et de la poule. Pouvez-vous l'énoncer à travers vos termes de scientifique? Alors c'est un paradoxe très ancien, c'est plutôt un paradoxe logique qu'un problème moral. Je sais pas si on peut se fâcher entre amis avec ça, mais j'ai quand même vu en préparant l'émission qu'il y a les pro-poules et les pro-œufs, et puis il y a des gens sans opinion. On va essayer de tirer ça au clair. Alors le paradoxe de l'œuf et de la poule, c'est une sorte de sophisme. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Si on vous répond c'est l'œuf, vous demandez « mais qui a pondu cet œuf ?» Et si on vous répond « c'est la poule », vous demandez « mais cette poule sort bien d'un œuf ?» Et donc, il y a une sorte de réponse qui n'est pas stable, puisqu'à chaque fois qu'on en propose une, l'autre apparaît elle aussi comme nécessaire. Et c'est donc une question a priori sans réponse, une question sans réponse, mais on va céder, et vous m'excuserez ce clin d'œil, d'une anagramme. Question sans réponse, A pour anagramme, enquêtons sans espoir. Ça, c'est votre autre casquette, hein, le spécialiste ferru d'anagrammes que vous... C'est Jacques Péristalgoff qui a trouvé cet anagramme. Donc, c'est pas un argument, c'est juste une sorte d'encouragement. Alors, on peut sexuer la question, comme l'a fait Raymond DeVos, qui a demandé, est-ce l'œuf qui est le père de la poule ou est-ce la poule qui est la mère de l'œuf? Alors, si vous répondez que c'est l'œuf qui est premier, qu'il est là au sens chronologique du terme, avant la poule, cela vous permet de donner une définition assez curieuse de l'œuf, ou plutôt de la poule, qui est elle aussi paradoxale. Vous pouvez dire si c'est l'œuf qui est premier, la poule est le seul animal qu'on puisse manger avant sa naissance, sous forme d'œuf coq, d'œuf dur ou d'omelette. Ou bien vous direz que la poule n'est que le moyen pour un œuf de faire un autre œuf. Mais on peut aussi raisonner dans l'autre sens, par exemple comme l'avait proposé Aristote, et conclure au contraire que c'est la poule qui est première. Aristote part du principe que l'œuf n'est rien d'autre qu'une poule en puissance, et qu'à ce titre, il n'existe que pour elle. C'est la poule qui est la raison d'être de l'œuf, et non l'inverse. En effet, s'il n'y avait pas d'animal à porter à maturité, l'existence de l'œuf n'aurait aucun sens. Donc d'un point de vue logique cette fois, et non plus chronologique, c'est la poule qui doit précéder l'œuf, puisqu'il faut s'appuyer sur l'idée de cause finale. Je vais pas faire un cours ici, mais... Non, mais c'est bien parti pour, mais justement, on a toute l'heure pour déplier tout ce que vous venez de dire. Mais Aristote distingue 4 sortes de causes. Il y a la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Par exemple, la cause matérielle d'un bol, c'est le bois, la céramique ou le métal dont il est constitué. Sa cause formelle, c'est de contenir de la soupe, de la purée ou du fromage blanc. Sa cause efficiente, c'est le procédé grâce auquel il a été fabriqué. Et sa cause finale, et de nourrir celui qui s'en sert. Et donc si pour Aristote la poule est première, c'est parce qu'elle est la finalité de l'œuf, sa raison d'être, sa vocation si on pourrait dire, et donc là il y a une sorte d'explication par le meilleur, c'est-à-dire par la cause finale. Alors pour Aristote évidemment les espèces n'évoluent pas, Il est fixiste. Il y a une sorte d'existence éternelle des gens ou des espèces. Mais on verra que quand on se met dans une approche évolutionniste, le problème change de tournure. On aura compris en tout cas que le paradoxe de l'œuf et de la poule est une manière de soulever une réflexion sur la causalité, sur la possibilité de connaître l'origine de toute chose, mais aussi une réflexion sur les paradoxes. Dans ses miettes philosophiques, Søren Kierkegaard écrit qu'il ne faut pas penser du mal du paradoxe, qui est une passion de la pensée. Le penseur sans paradoxe est comme l'amant sans passion, une belle médiocrité, mais le propre de toute passion portée à son comble est toujours de vouloir sa propre ruine. De même, la passion suprême de la raison est de vouloir un obstacle, bien que celui-ci cause sa perte d'une façon ou d'une autre. Si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de rien. Car rien n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut obtenir quelque chose avec rien, en le multipliant. Une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, n'est-ce pas ? On peut peut-être partir, repartir de là, Étienne Klein. Le paradoxe, bien qu'il soit parfois sans solution et sans réponse, est quelque chose de sain pour la pensée et pour la démarche scientifique. Moi, je pense que le paradoxe est le combustible de l'intellect. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à sa pensée de résister à des tests qui pourraient la contredire. Et c'est comme ça qu'elle avance. Sinon, elle est dans une sorte de cercle de répétition et elle n'est jamais malmenée, en quelque sorte. Mais ce que vient de dire Raymond Devos, qui est très puissant, me fait penser à une tentative de résolution du paradoxe de la poule et de l'œuf qui avait été proposée par un théologien italien de la Renaissance qui s'appelle Ulisse Aldrovanti, qui a écrit ceci. La poule n'est pas venue de l'œuf, mais de rien. Les poules ont été créées telles quelles par Dieu. C'est une façon de résoudre le problème, en invoquant une sorte d'argument transcendant. Mais pour revenir à notre paradoxe, on peut tenter de le résoudre en précisant la question. Parce que finalement, de quel œuf parlons-nous ? D'un œuf pondu par une poule ou d'un œuf qui donne naissance à une poule ? Quelle que soit la réponse qu'on donne à cette question, le paradoxe est résolu par définition. Dans le premier cas, c'est-à-dire si on pense que c'est un œuf qui a été pondu par une poule, bah c'est la poule qui précède. Dans le second cas, c'est-à-dire si on pense que c'est l'œuf qui donne naissance à une poule, alors c'est l'œuf qui est premier. Et donc la précision qu'on apporte à la définition de l'œuf permet d'installer une sorte de séquencement qui positionne dans le temps, qui ordonne chronologiquement les positions respectives de l'œuf et de la poule. Mais on peut aussi compléter la définition de l'œuf. Et là aussi, on résout le problème. Par exemple, si je définis l'œuf comme étant ce qui est à la fois pondu par une poule et ce qui donne naissance à une poule. Donc les deux choses sont en quelque sorte superposées dans l'œuf. Eh bien, dans ce cas-là, le premier œuf de poule, du fait qu'il était le premier, a nécessairement été pondu par un autre animal qu'une poule. Sans quoi il ne serait pas le premier œuf de poule, il serait au mieux le deuxième. Dans ce cas, l'œuf précède la poule. Mais ce qui permet de dire cela, c'est qu'on a adopté pour l'œuf une définition ad hoc qui suppose qu'il n'y a pas toujours eu des poules et qu'il n'y a pas toujours eu des œufs. C'est ce qu'avait entrevu d'ailleurs Diderot, qui dans Le rêve de D'Alembert écrit « Si la question de la priorité de l'œuf sur la poule ou de la poule sur l'œuf vous embarrasse, c'est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent ». C'est une folie. Oui, mais vous citez Diderot, on peut remonter très loin dans l'histoire de la pensée pour trouver des références à ce paradoxe. On trouve un texte de Plutarque sur ce paradoxe de l'œuf et de la poule. Ça veut dire qu'au-delà de la question de la résolution du paradoxe lui-même, l'énoncé de ce paradoxe renseigne sur notre esprit. Nous sommes quoi ? C'est quoi ? Nous sommes hantés par la question de l'origine ? Nous voulons savoir ce qui est premier ? On veut comprendre, on veut expliquer. Expliquer, c'est ramener tout événement au statut d'effet d'une cause qui l'a précédé. Ce qui pose la question de quelle cause, la cause elle-même et l'effet, etc. Ouais. Et donc on est soumis à une sorte de régression à l'infini. Mais dans le cas du paradoxe de l'œuf et de la poule, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que on n'arrive pas à distinguer la cause de l'effet. Ils s'entremêlent. Quand on tente de les identifier, on s'engouffre dans une sorte d'impasse logique, alors que les spécialistes appellent un dialèle, qui est un mot grec qui signifie un cercle vicieux. Ouais. C'est une sorte de paralogisme dans lequel est donné pour preuve d'une proposition une seconde proposition que l'on prouve elle-même par la première proposition. Et donc l'argumentation tourne en rond, ce qui provoque une sorte d'hypnose intellectuelle. Autrement dit, vous allez expliquer A par B, puis B par A, puis A par B, et ça ne converge jamais. Et ça donne un, au paradoxe de la poule et de l'œuf, un point commun avec le paradoxe du menteur, qui avait été énoncé au 5e siècle avant Jésus-Christ par un certain Eubulide, un philosophe grec qui avait par ailleurs écrit une comédie intitulée « Les fêtards ». Ce qui laisse penser que c'était un joyeux drôle, mais il était c'est également... en deuxième partie de soirée, après le paradoxe qui aura fâché tout le monde. Pour réconcilier les amis fâchés, et c'était un esprit fin qui aimait dénicher les contradictions verbales. Et un jour, il demande à un menteur pathologique s'il ment alors même que ce menteur est précisément en train de mentir. Si le menteur répond « Oui, je mens », alors de toute évidence, il ne ment pas, car si un menteur affirme qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. S'il répond au contraire « Non, je ne mens pas », alors c'est qu'il ment, puisqu'il est précisément en train de mentir. Et donc là, il y a une sorte de jeu de ping-pong qui fait osciller la vérité de part et d'autre du filet des possibles, indéfiniment, comme si le vrai et le faux se contaminaient tour à tour. Et ce paradoxe du menteur, il a eu des tas de conséquences en logique. Il a même... d'une certaine façon, aboutit à ce qu'on appelle le terme d'incomplétude qui a été démontré par Gödel en 1900, dans les années 30, disons. Et ça veut dire que quand il est confronté à un tel paradoxe, l'esprit est embourbé, comme disait Montaigne. On ne sait plus très bien où est le vrai, où est le faux, comme si le principe du tiers exclu était bafoué. Et il y a quand même une différence entre le paradoxe du menteur et le paradoxe de la poule et de l'œuf, c'est que c'est le coq. Il y a une solution du paradoxe par le coq. C'est-à-dire, comme vous le savez, tous les œufs ne donnent pas de poussin. Pour qu'ils donnent un poussin, donc une poule après, il faut qu'ils soient fécondés. Mm-hmm. Donc il faut que le coq intervienne. Et il le fait d'une façon que j'ai apprise grâce à vous, j'ai un peu travaillé. Le coq est dépourvu de pénis. Et donc, pour féconder la poule, il approche son cloaque, c'est-à-dire son orifice génital et urinaire, de celui de la poule. Je suis ravi d'être à l'origine de ces connaissances. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un baiser cloacal. Et grâce auquel le coq libère son sperme. Et on pourrait donc dire que l'intervention du cloaque du coq est le bras armé de la causalité qui vient dialectiser la relation poule-œuf. Donc il faut un troisième terme, c'est ça que voilà, vous dites? Le troisième terme vient en quelque sorte installer une dissymétrie entre la poule et l'œuf qui permet de trancher lequel est venu après l'autre. Mais faut-il en tirer comme conclusion que, y compris dans le domaine de la recherche scientifique, le vrai et le faux ne sont pas deux catégories suffisantes. Il y a des réalités, des questions logiques, voire des dialèles dont vous parlez, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas trancher parce que finalement la solution se trouve ailleurs que dans vrai ou faux. Oui, en physique quantique, on a rencontré des obstacles à l'application du principe du tiers exclu. Hein. Il y a des états qu'on appelle superposés, de sorte que les propriétés d'une particule, par exemple, ne sont pas déterminées. Elles le sont si on fait une mesure sur le système. Auquel cas, la superposition des possibles est coupée par le fait qu'une action de mesure vient obliger l'objet, d'une certaine façon, à choisir un état qui soit celui qu'on mesure. Parce qu'on attend souvent de la science qu'elle nous renseigne, c'est vrai ou c'est faux, en fait non. Justement, c'est tout un débat, parce que ce paradoxe dont nous parlons, c'est un paradoxe logique, philosophique, on pourrait dire. La question est-ce que il peut être résolu scientifiquement? Alors on va dire a priori non, parce que si vous prenez un autre paradoxe, qui est celui de l'âne de Buridan, qui meurt de faim et de soif, et on lui propose soit d'aller vers un seau rempli d'avoine, soit d'aller vers un seau rempli d'eau. Et c'est toute la question du libre arbitre, du choix, etc. Mais finalement, rien ne le penche vers l'un ou vers l'autre, il va mourir de faim et de soif. Mais trancher la question d'un point de vue scientifique, ça voudrait dire faire des expériences avec des ânes, assoiffés et affamés, et on regarde combien de fois l'âne en question choisit l'eau plutôt que l'avoine, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ça ne résout pas la question profonde du libre-arbitre. Mais dans le cas de la poule et de l'œuf, il y a eu quand même, d'une certaine façon, des avancées scientifiques. En 2010, il y a des chercheurs qui ont publié une étude concernant une protéine nécessaire à la formation des œufs, qui se trouve dans les ovaires des poules. Alors, si vous voulez tout savoir, cette protéine s'appelle l'ovoclididine 17. Bon, donc la poule serait donc obligatoirement venue la première dans l'histoire, mais c'est une expression qui n'a pas convaincu tout le monde. Et tout récemment, il y a eu une sorte de renversement de la réponse, puisqu'on a compris que les premiers œufs ont existé bien avant les gallinacés. Les plus vieux fossiles d'eux ont été retrouvés, enfin, datent d'environ 190 millions d'années, et ils venaient des dinosaures. Et puis, les premiers oiseaux de l'univers, c'était une sorte de dinosaures à plumes, qu'on appelle les archéoptérix. Eux, ils sont apparus dans le Jurassique il y a environ 150 millions d'années. Ça veut dire que l'oiseau, en général, est apparu après l'œuf. Mais là, évidemment, on ne parle pas de poules. Et d'œufs, on parle d'œufs qui ne sont pas des œufs de poule. Mais cette histoire préhistorique, elle est aussi vraie pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire pour les poules. Les poules ne sont pas venues d'œufs de poule, mais d'un autre animal, ce qu'on appelle des presque-poulets, si j'ai bien compris, qui un jour ont pondu un œuf qui contenait, à la suite de mutations génétiques, un gallinacé tel qu'on le connaît. Et donc, ça veut dire que... Alors, c'est compliqué de savoir quand cette mutation s'est produite, mais on pense que c'était il y a environ 7000 ans, date à laquelle sont apparus les poulets domestiques. Quand il n'y avait rien, si le rien fut jamais, entourons chaque mot de prudents guillemets. Qu'était-ce que ce rien? La réponse est ardue. Imaginons-le vide. Et de quelle étendue? Car un vide absolu pourrait être aussi bien un point évanescent et réductible à rien. Donc, entre tout et rien, se balançait le vide. Et du balancement, quelque chose d'hybride se serait prononcé comme un léger frisson, mais qui, s'amplifiant, eût fait naître un soupçon d'irrégularités instables, floconneuses, prises comme le gaz des jeunes nébuleuses, au piège sans recours que tend la gravité. Ainsi naquit peut-être, à faible densité, le plus subtil état premier de la matière. Les flocons s'agrégeant en masses de poussière, croissant et s'échauffant à des degrés déments, auraient partout creusé des trous noirs écumants où plongea l'excédent de ces remous quantiques, lesquels, en conjuguant leurs flux énergétiques, provoquèrent soudain l'énorme explosion d'où surgirent l'espace et notre vision, que gouverne le temps d'un univers avide de retrouver la douce indolence du vide ou d'y sombrer enfin dans sa totalité et comme s'il n'avait même jamais été. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et la poule Zazou de Charles Trenet pour accompagner cette première émission de notre série spéciale sur les chemins de la philosophie. Quatre questions pour se fâcher entre amis, ça va être plus ou moins houleux et vous aurez plus ou moins de réponses dispensées au cours de ces émissions. Aujourd'hui, on commence avec un paradoxe, le paradoxe de l'œuf et de la poule en compagnie du philosophe des sciences Étienne Klein. Nous venons d'entendre un poème, c'est une lettre au physicien de Jacques Reda. Ça se trouve dans La physique amusante, volume 2, aux éditions Gallimard. Ce que montre ce poème, c'est qu'en réalité, le paradoxe de l'œuf et de la poule, au-delà de savoir s'il trouve une solution ou pas, et tous les éléments que vous avez avancés, Étienne Klein, pour apporter une réponse à ce paradoxe, soulève une question elle-même sans doute insoluble, qui est celle de l'origine de toute chose, de l'origine du monde. Au fond, le paradoxe de l'œuf et de la poule pose une question, comment quelque chose a pu surgir de rien ? Exactement. Alors cette question de l'origine, elle nous tourmente. On n'arrive jamais à la traiter correctement. On se demande si c'est un mystère ou simplement une question. Est-ce que c'est un faux problème? Est-ce que le fait de la poser est lié à la structure de notre langage? Ou est-ce que c'est vraiment un phénomène qui s'est déroulé et qu'on pourrait éventuellement cerner? Il y a une première question, c'est est-ce que l'origine du monde fait partie du monde? Si l'origine du monde fait partie du monde, alors les physiciens qui scrutent le monde pourraient espérer la découvrir. Si au contraire, l'origine du monde ne fait pas partie du monde, si elle est transcendante, alors elle échappera au regard des physiciens. Alors ça, c'est deux types de causes différentes. Ouais. Cause immanente, c'est ça? Une cause qui serait déjà présente dans le monde lui-même, une qui est extérieure, c'est quoi? C'est Dieu, au fond, il y a d'autres possibilités? Disons, si on est platonicien, c'est pas Dieu, c'est le monde des idées intelligibles. Ouais. Il y aurait deux mondes, un monde où les choses sont parfaites, où les idées sont... pur, on pourrait dire, et puis il y a le monde empirique, qui est une mauvaise approximation de ce monde idéal. Et il y a un démiurge dans le Timée de Platon qui vient manipuler la cora, la matière, en essayant de la rendre semblable aux idées intelligibles. Évidemment, c'est imparfait, donc le monde serait une sorte d'imperfection par rapport à l'idéal dont il est une pâle copie, on pourrait dire. Mais les physiciens n'ont pas de démiurge. Et donc, ils doivent se débrouiller sans ça. Et comme on parle d'origine, il faut voir que au XXe siècle, notamment, les physiciens ont compris, avec les astrophysiciens, les physiciens nucléaires notamment, l'origine de beaucoup de choses. Par exemple, on a compris l'origine des atomes. Mmh. On est capable de raconter comment, au cours de l'histoire de l'univers, se sont formés les différents atomes qui sont maintenant dans le tableau de Mendeleïev. Les plus légers ont été formés dans l'univers primordial, dans les trois premières minutes après ce qu'on appelle le Big Bang. Et puis ensuite, les plus lourds ont été formés dans des étoiles, comme le Soleil ou d'autres du même type. Et puis les atomes encore plus lourds que le fer ont été formés dans des explosions d'étoiles, ce qu'on appelle des supernovas. Et donc, on est capable de raconter ce qu'on appelle l'origine des atomes. Mais ça veut dire que parler ou identifier l'origine de quelque chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, et donc une histoire au cours de laquelle cette chose n'était pas présente, et cette chose est apparue à la fin de l'histoire. Mmh. Autrement dit, pour un scientifique, le mot origine veut dire conclusion. Comprendre l'origine d'une chose, c'est comprendre l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, et dont cette chose est la conclusion. Ce qui veut dire qu'il y a un avant de cette apparition. Et donc, si contredit donc la conclusion. Si la question qui vous intéresse, c'est plus l'origine d'une chose qui est dans l'univers, mais l'origine de l'univers lui-même. Et si vous appliquez la même méthode, vous allez devoir raconter l'histoire qui a précédé l'origine de l'univers, dont l'univers ou l'apparition de l'univers est l'achèvement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant l'origine. Et donc là encore, vous êtes... On retrouve un paradoxe. Donc c'est sans fin, au fond. Donc c'est sans fin. Alors après, il y a ce que les physiciens ont découvert, à savoir que l'univers dans le passé était plus dense qu'aujourd'hui. Je parle de l'univers observable, il était plus petit, plus chaud. Et quand on utilise les équations d'Einstein pour comprendre comment cette évolution s'est produite, on fait tourner le temps à l'envers. On a des équations sur le papier, on sait que l'univers est en expansion, ça veut dire que si on inverse le cours du temps, l'univers est en contraction. Et si on faisait dérouler les calculs à partir des équations d'Einstein, on aboutit à l'idée que, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était ponctuel. Non pas, ça veut pas dire qu'il était à l'heure. Ça veut dire qu'il a la taille d'un point. Avec une densité infinie et une température infinie. Et c'est cet événement-là qu'on appelle le Big Bang et qu'on associe à un instant zéro. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Washington, John Cramer a traduit à travers un logiciel mathématique les niveaux de chaleur du Big Bang en ondes sonores. C'est ce que nous sommes en train d'écouter, Étienne Klein. Et donc, est ressorti une approximation du son de l'univers. Alors, c'est pas vraiment le Big Bang, vous l'avez daté, il y a 13,7 milliards d'années, c'est entre 380 000 et 760 000 ans après le Big Bang, mais à cette échelle-là, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est absolument vertigineux d'entendre ce qui est censé être la traduction sonore des fréquences qui ont créé ce qu'on appelle le Big Bang. Qui n'ont pas créé le Big Bang, c'est ce qui a suivi le Big Bang. Qui a suivi l'effet même provoqué par le Big Bang. C'est l'univers primordial dans la plage de temps que vous avez rappelé. Et l'univers se refroidit, est en expansion. Et donc on entend par le son qu'en effet il y a cette expansion. Mais ce n'est pas le Big Bang lui-même. Voilà, c'est après. Parce qu'en fait le Big Bang, tel qu'il est apparu en tant que terme dans les années 50, c'est vraiment le résultat d'un calcul. C'est-à-dire, on utilise les équations de la gravitation proposées par Einstein pour comprendre comment fut l'univers dans son passé. C'est mathématique, là. C'est mathématique. Ouais. Mais en fait, on sait depuis, enfin, on avait compris déjà à l'époque, dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, il y a les forces nucléaires qui sont de deux types, il y a la force faible, la force forte. Et la théorie d'Einstein ne décrit que la gravitation. Donc elle est physiquement incomplète. Et donc même si les calculs que vous faites sont mathématiquement justes, ils ne sont pas physiquement exacts, c'est puisque ça. Les particules dans l'univers primordial ont des énergies tellement grandes que vous ne pouvez plus négliger les effets consurels, les autres interactions dont j'ai parlé. Et en fait, on sait que quand on remonte le cours du temps, arrive un moment dans l'histoire de l'univers en deçà duquel nos théories sont incomplètes. Et ce moment, on l'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un moment en deçà duquel l'application de la seule théorie d'Einstein de la gravitation, la théorie de la relativité générale, n'est plus pertinente. Oui, c'est un mur au sens figuré, on ne peut pas aller au-delà. Oui, l'entendement humain ne peut pas aller au-delà. Passé par le mur de Planck, il ne s'est pas dit, tiens, je traverse le mur de Planck. Pas comme le mur du son, d'ailleurs. Oui, ça, c'est une limite théorique, voilà, qui empêche de projeter dans le passé les connaissances acquises à partir de l'univers tel qu'il est après le passage de ce mur. C'est-à-dire que si on s'en tient à un niveau scientifique, et ça vaut aussi pour le paradoxe de l'œuf et de la poule, il faut se contraindre à n'avoir jamais de réponse, en fait, quant à l'origine. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas chercher. Question sans réponse, enquêtons sans espoir. Mm-hmm. Toujours la même chose. Et de fait, depuis 40 ans, les physiciens, théoriciens essaient de construire une théorie capable de décrire en même temps la gravitation et les autres interactions, pour tenter d'escalader le mur de Planck et de décrire ce qu'il y avait avant le mur de Planck. Peut-être avez-vous entendu parler de la théorie des supercordes, qui est une tentative. Il y a la théorie de la gravité quantique à boucle, qui est une autre tentative. Et chaque fois qu'on tente d'appliquer ces théories qui ne sont pas certaines, c'est des théories qui sont à l'ébauche, qu'aucun indice expérimental pour l'instant ne permet de valider et de dire, par exemple, que celle-ci est meilleure que telle autre. Mais quand on les applique à l'univers primordial, et donc à l'avant-mur de Planck, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on appelait l'instant zéro dans les modèles classiques des années 50, l'instant zéro passe un sale quart d'heure. C'est-à-dire que il disparaît des calculs. La singularité initiale à laquelle on associait le Big Bang, une sorte d'explosion originelle qui aurait créé tout ce qui existe, l'espace, le temps, l'énergie, le rayonnement, etc., disparaît des calculs. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve que l'univers a une origine. Et si on prend le mot... Ça, on peut même pas comprendre cette phrase. Ben oui. On n'a pas la preuve que l'univers a une origine. Comment peut-il... Ça veut dire que l'éternité existe et l'éternité, on peut pas se la figurer. Si vous voulez, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, ben vous exprimez quelque chose qui contredit l'idée d'origine. Parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Pas forcément un univers, mais il y a toujours eu quelque chose. Si au contraire, cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, donc c'est pas l'origine. Ouais. Donc nommer l'origine, c'est la détruire. Vous disiez en début d'émission qu'il y a les pro-poules et les pro-œufs. Dans quelle mesure est-ce que ce paradoxe-là, mais celui de l'origine, puisqu'on voit bien qu'ici la question de l'origine est en elle-même un paradoxe, est aussi le lieu d'expression d'opinion. Parce qu'on parle de la démarche scientifique, mais même paradoxe, paradoxa, ça veut dire contre l'opinion. Mmh. Et on a bien vu dans ce que vous dites qu'en fait, on n'a pas les moyens de trancher le débat. Donc est-ce que dans la recherche scientifique, il n'y a pas aussi des prises de position qui sont autant d'expressions d'opinion? Oui, absolument. Mais par exemple, quand vous pensez à l'origine de l'univers, si vous prenez le mot origine au sérieux, ça veut dire que vous devez imaginer que l'univers a été créé à partir du néant. Mmh. Ça, c'est quand même une idée difficile à admettre, parce que ça supposerait que le néant contient en lui-même les capacités à cesser d'être lui-même. Mais sans faire du Raymond DeVos, un néant qui peut cesser d'être un néant, c'est déjà quelque chose. Et donc vous tombez là sur des paradoxes logiques qui sont plus ou moins acceptables selon les tempéraments. Et puis, il ne faut pas oublier que quand un physicien parle de l'origine de l'univers, ou même de la phase primordiale, il le fait à partir de théories physiques, qui contiennent des lois, sont des formalismes qui indiquent des lois physiques. Et il suppose donc que l'univers, s'il est né dans un arsenal législatif qui était déjà fixé à l'avance. Ouais. Mais alors si vous dites que les lois physiques existaient avant l'univers, vous leur donnez un statut quasiment transcendantal. Vous devenez en quelque sorte platonicien. Est-ce que c'est acceptable ou non? D'autres considéreront que les lois physiques sont immanentes. Ça font aussi partie de l'univers. Alors, prenons une question tout à fait simple, mais qui en fait est une question métaphysique très profonde. Imaginez que l'univers a vraiment eu une origine. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui l'a précédé, si cette phrase a un sens, où il n'y avait rien. Donc ça veut dire que si l'univers a une origine, il n'y a pas toujours eu des électrons. Donc à un moment sont apparus les deux premiers électrons. Alors, comme on l'a appris à l'école, les électrons qui ont des charges électriques négatives se repoussent, ont tendance à se repousser parce que la force électrique entre deux charges de même signe est répulsive. Bon. Et donc, vous allez dire, les électrons se repoussent. Mais ça, vous le dites parce que vous l'avez appris à l'école. Mais comment est-ce que les électrons, eux, le savent? Est-ce qu'ils l'ont lu sur un tableau noir? Est-ce que c'est une loi qui est inscrite dans leur propre structure? Ou à l'issue d'une sorte d'ébauche de démocratie participative, ils demandent à l'univers « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» On se repousse, si oui, comment, etc. C'est une question bête, mais en fait, on ne sait pas répondre. On ne sait pas comment l'univers... Pas pourquoi les électrons se repoussent. Voilà, on ne sait pas comment l'univers est connecté aux lois qui le déterminent. Mais ça veut dire que toute pratique scientifique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion philosophique, au fond. Les deux sont absolument, mais pardon, Stephen Hawking, grand astrophysicien et théoricien de la physique, a écrit plusieurs livres, et dans l'un de ses livres, il dit, qui s'appelle Le grand destin de l'univers, il dit, finalement, l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravitation ont suffi. C'est une phrase bizarre, parce que ça veut dire que les lois de la gravitation... Avant même que toute matière existe, tout espace-temps existe, sont capables d'engendrer un univers. Or, il le fait à l'issue d'un livre dans lequel il explique la théorie des supercordes. Or, la théorie des supercordes, justement, elle ne présuppose pas la gravitation. La force qu'elle a, c'est qu'elle permet, à partir de principes très fondamentaux, d'engendrer la théorie de la gravitation telle que les équations d'Einstein la décrivent. C'est-à-dire que la gravitation est secondaire par rapport à des principes qui sont en amont d'elle-même. Et donc, elle est l'œuf d'une poule qui n'est pas elle. Et donc, il y a une sorte de contradiction dans cette phrase. Et à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on tombe toujours sur une contradiction. Les jouets arrivent avec toutes les théories. Oui, y compris la vôtre. Tout à fait. Très bien. Bienvenue, Stéphane. Bonjour. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci. Allez. Vous êtes sûr? Oui. Bien. Stephen, si on résume les choses, on peut dire que dans le chapitre 1, il y a beaucoup d'inconnus. Le chapitre 2 n'a rien de très original. Le chapitre 3, il y a trop de questions sans réponse. Et nous arrivons maintenant au chapitre 4, ce fameux trou noir au début du temps, n'est-ce pas? La singularité de l'espace-temps. C'est ça. C'est brillant. La seule chose qu'il nous reste à vous dire, c'est bravo. Ou bien peut-être dois-je être plus précis et vous dire bravo, docteur. Bravo, Stephen. C'est une théorie extraordinaire. Merci à vous. Alors, ensuite. Le prouver. Prouver en une seule équation que le temps a bien un commencement. Ce serait bien, non, professeur? Une seule équation. Simple, élégante et cohérente. Qui expliquerait toutes les interactions. Oui, ça serait bien. On est tous d'accord. Merci. C'était un extrait du film Une merveilleuse histoire du temps, le film de James Marsh qui date de 2014, dans lequel Stephen Hawking joue, le personnage de Stephen Hawking est interprété par Eddie Redmayne, pour essayer de mettre en scène la manière dont lui-même a pu découvrir ce qu'il cherchait, à savoir essayer de connaître le sens et l'origine du monde. Et en fait, quand il le dit, et ça correspond à des textes qu'il a écrits, qu'il voudrait trouver une équation pour expliquer la totalité de l'origine du monde, c'est là où vous dites, Étienne Klein, non, en fait, ça n'arrivera jamais. Ah, j'ai pas dit que ça n'arrivera jamais, je dis simplement qu'on n'a pas cette théorie, il y a des candidats. Et puis imaginez qu'on ait une théorie qui semble vraiment la bonne, comment est-ce qu'on peut la tester? Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une théorie dite du tout décrit absolument tout, par exemple, est-ce qu'elle sera capable de comprendre les phénomènes biologiques? Il écrit, je précise juste, dans Une brève histoire du temps, Stephen Hawking écrit, si nous parvenons vraiment à découvrir une théorie unificatrice, elle devrait avec le temps être compréhensible par tout le monde, dans ses grands principes, pas seulement par une poignée de savants. Philosophes, scientifiques et personnes ordinaires, tous seront capables de prendre part à la discussion sur le pourquoi de notre existence et de notre univers, et si nous trouvions un jour la réponse, ce serait le triomphe de la raison humaine qui nous permettrait alors de connaître la pensée de Dieu. Au fond, c'est ça la solution. Mais il y a une première question qui est suscitée par ce commentaire, c'est est-ce que Dieu pense? Oui, puis surtout, besoin de convoquer Dieu, c'est la défaite de la science. Est-ce que Dieu a besoin de penser? Est-ce qu'il pense au sens que nous donnons à ce terme? Donc il y a beaucoup d'implicites dans ces façons de dire. Et puis Stephen Hawking, il a fait un travail très important, il a montré que les trous noirs, contrairement à ce que leur appellation semble indiquer, sont gris sur les bords. C'est-à-dire ils sont capables de rayonner, de perdre de l'énergie. Et ça a été un résultat très fondamental qui n'a pas été prouve expérimentalement, mais auquel les gens accordent un très très grand crédit. Mais il a aussi développé une conjecture qui s'appelle celle de l'univers sans bord, selon laquelle l'univers est de volume fini, mais n'a pas de limite, ce qui implique qu'il n'a pas eu de commencement. Mmh. Vous voyez, il a dit plusieurs choses à la fois, et ça veut dire que la pensée, un peu comme dans le paradoxe de l'œuf et de la poule que nous discutons, oscille constamment entre plusieurs possibilités. Mais est-ce que vous auriez jusqu'à dire que parce qu'on va s'interroger sur pourquoi nous sommes autant fascinés par nos origines, pourquoi on a besoin finalement de connaître, on croit avoir besoin de connaître l'origine pour nous connaître nous-mêmes, que c'est l'absence de réponse à ces questions qui peut provoquer en nous un besoin de croyance justement. Au fond, c'est là où Dieu redevient bien commode. Bah, Dieu, c'est le mot qu'on donne à cette origine qu'on n'arrive pas à connaître. Et ça tombe bien dans le terme de la croyance, c'est pas de connaissance. C'est le nom qu'on donne au constat d'un mystère. Ouais. Mais on peut aussi considérer que l'origine de l'univers, c'est un faux problème. D'ailleurs, toutes les civilisations ne se posent pas la question de l'origine. Enfin, si j'en crois François Julien, philosophe et sinologue, les Chinois ne se posent pas comme nous la question de l'origine. En fait, il y a toujours eu un processus en cours et il n'y a pas d'origine au sens où il y aurait une sorte de passage entre le non-être et l'être qui aurait précédé ou formé l'univers tel que nous le connaissons. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une question obligatoire, en fait. On peut être indifférent à la question de l'origine. Et par exemple... Je crois que c'est Hegel qui disait « tout commencement est un commandement ». C'est-à-dire, on a l'impression que si nous savions exactement ce qu'a été le Big Bang, ce qu'il a induit, en quoi il a consisté, alors nous comprendrions le sens de nos existences, le destin de l'univers, dire « mais c'est peut-être complètement faux ». Peut-être que si vous saviez exactement comment l'univers est apparu, ça ne changerait rien à vos façons de penser ni de vous comporter. Pourquoi vous travaillez sur la question de l'origine ? Ben moi, j'ai écrit ce livre « Discours sur l'origine de l'univers » parce que je voulais montrer justement que tout le monde en parle, tout le monde s'y intéresse, mais personne ne l'a dit. Personne n'a trouvé cette origine. Non, personne ne l'a dit, c'est-à-dire à chaque fois qu'on la nomme, on la contredit. Même les textes religieux, monothéistes en particulier, avec la Genèse, produisent des discours sur l'origine qui sont profondément intéressants, mais incomplets. On ne dit pas pourquoi Dieu a appuyé sur le bouton, on ne dit pas s'il avait conscience de ce qu'il faisait, on ne savait pas si l'univers qu'il a créé est conforme à ce qu'il attendait, est-ce qu'il avait un projet, si oui, lequel. Ça n'est pas dit. Donc il y a toujours de l'implicite qui fait que les réponses qu'on apporte à la question méritent d'être re-questionnées. Reprenons l'exemple de Hawking qui dit « la gravitation a suffi pour créer l'univers ». Ça veut dire que si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, alors la gravitation, c'est Dieu. Du coup, si Adèle, en sortant de ce studio, vous trébuchez sur une marche et tombez du fait de la gravitation, vous pourrez dire que vous avez rendu une action de grâce. Ouais, je continuerai à m'interroger sur l'origine de toute chose, mais quand même, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi l'entendement humain, peut-être occidental, a besoin de cette origine-là, a besoin de s'interroger sur l'origine de toute chose pour pouvoir comprendre. Enfin, c'est presque psychologique, mais il me semble que c'est un procédé épistémologique et même de discussion, de débat d'opinion très classique. C'est comme si l'origine faisait foi. L'origine, c'était la garantie de validité intellectuelle de toute chose. Parce que nous pensons en langue. Et comme le disait Wittgenstein, notre langue détermine la limite de notre monde. Et nous nommons des objets. Notre langue, elle est ontologique, on nomme des choses. Et du coup, l'origine de ces choses est une question qui s'impose du fait que nous constatons qu'elles sont là. Et là, je vous renvoie encore à François Julien qui dit que la langue chinoise n'est pas une langue ontologique, elle nomme plutôt des processus. Ça continue sans cesse, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans ce cadre-là, la question de l'origine est en quelque sorte dissoute par le fait que le langage empêche qu'on la pose. Et donc, il y a peut-être une sorte de malheur philosophique dans le fait que notre langue est ontologique, de sorte que la question de l'origine est pour elle un mystère, mais elle est obligée de se la poser, alors que la langue chinoise, qui joue plutôt avec des transitions possibles entre le non-être et l'être, pourrait dire l'origine, mais comme elle ne se la pose pas, il y a une sorte de mystère à nouveau qui apparaît. On ne se pose pas les mêmes questions selon la langue que nous parlons, en fait, c'est ça ? C'est possible, en tout cas, c'est ce que dit François Julien, et Wittgenstein aussi le dit d'une certaine façon. Eh bien, voici la preuve par Éric Zemmour et Henri Bergson. J'estime que la France avait une destinée impériale. C'est-à-dire que ça, c'est ma thèse depuis longtemps. Je pense que la France rêve de refaire l'Empire romain et au moins la Gaule romaine. Et que si elle ne le fait pas, elle est condamnée à s'auto-détruire et à être partagée entre tous ses voisins. C'est pas fromage ou dessert. Vous voyez, c'est ou la puissance ou l'affaissement et la soumission. Et depuis l'origine, en fait, la République a deux péchés originels. C'est l'universalisme, qui donc la pousse à se détacher de l'identité française de plus en plus, et la soumission à l'Allemagne. Et ces deux péchés originels de la République, on les retrouve aujourd'hui. Les choses et les événements se produisent à des moments déterminés. Le jugement qui constate l'apparition de la chose ou de l'événement ne peut venir qu'après eux. Il a donc sa date. Mais cette date s'efface aussitôt en vertu du principe, ancré dans notre intelligence, que toute vérité est éternelle. Si le jugement est vrai à présent, il doit, nous semble-t-il, l'avoir été toujours. Il avait beau n'être pas encore formulé, il se posait lui-même en droit, avant d'être posé en fait. À toute affirmation vraie, nous attribuons ainsi un effet rétroactif, ou plutôt, nous lui imprimons un mouvement rétrograde. Les conséquences de cette illusion sont innombrables. Notre appréciation des hommes et des événements est tout entière imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement vrai, à un mouvement rétrograde qu'exécuterait automatiquement dans le temps la vérité une fois posée. Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté, sous forme de possible, à sa propre réalisation. De là, une erreur qui vicie notre conception du passé. De là, notre prétention d'anticiper en toute occasion l'avenir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Avons-nous besoin de nous fonder sur une croyance selon laquelle l'origine détermine la nature d'un individu? Éric Zemmour, c'était sur Sud Radio en 2018, le 9 novembre 2018, parlait d'origine de la République, des péchés originels de la République qui l'auraient vicié en son sens. Et le texte de Bergson, lu ensuite par Elsa Lepoivre, nommait ce qu'il appelle le mouvement rétrograde du vrai, c'est-à-dire il pointait cette illusion qui consiste à tenir l'origine comme étant l'explication de toute chose. L'un peut-être, alors pas explique, mais éclaire l'autre, Étienne Klein. Bon, moi, je suis pas sûr d'être assez intelligent pour comprendre ce que dit là Éric Zemmour, mais il est vrai que la pensée oscille entre deux mouvements opposés. Le premier, c'est celui qui consiste à penser que la connaissance du passé seul permet de comprendre le présent. Ouais. Et l'autre, c'est que la connaissance du présent permet de comprendre de façon rétroactive le passé. Vous voyez que quand on lit « depuis l'origine », on est dans une sorte de fantasme. Prenez par exemple la question de l'origine du langage, qui a beaucoup intéressé les linguistes au XIXe siècle, notamment, puis aussi au XXe. Mais il y a deux façons de comprendre la question. Soit vous cherchez la première langue jamais parlé sur Terre, qui a engendré les 6000 langues parlées aujourd'hui. Et donc vous cherchez un événement, l'apparition du langage, qui s'est produit quelque part, un certain moment de l'histoire. Et donc c'est un événement daté, et vous devez déterminer quelle était cette première langue. Il y a eu toutes sortes de théories qui ont été proposées. Frédéric II s'était intéressé à la question. Et donc on cherche, en gros, l'origine au sens radical du terme du langage. Mais une autre façon de comprendre, c'est de déterminer quelles sont les conditions environnementales, culturelles, économiques, cérébrales, taille du cerveau, qui ont fait qu'à partir d'un certain moment de l'histoire, des groupes humains se sont mis à parler. Donc ce sont les conditions d'apparition du langage que vous cherchez. Évidemment, là, c'est plus un événement unique qui s'est produit en un lieu particulier de la planète, ça peut s'être produit de façon continue pendant très longtemps, en plusieurs endroits différents. Et c'est tellement mal posé, c'est tellement ambigu cette question de l'origine du langage, que en 1866, si ma mémoire est bonne, la Société linguistique de Paris a changé ses statuts pour annoncer qu'elle n'examinerait plus les manuscrits qu'on lui enverrait qui prétendraient résoudre la question de l'origine du langage. Et donc, vous voyez bien que quand vous pensez à l'origine du langage, soit vous pensez à une première langue, soit vous pensez à un processus continu où les gens échangent des borborigmes, des sons qui peu à peu prennent une certaine signification, et c'est pas du tout la même chose que vous allez chercher dans les deux cas. Mais on peut aussi considérer qu'il y a des vertus à cette recherche de l'origine. On a pointé les vices, ou plutôt les inconvénients de cette obsession des origines, que ce soit d'un point de vue scientifique parce qu'on n'a pas la réponse, ou d'un point de vue plus sociologique, voire politique, dans le cas de l'archive d'Éric Zemmour qu'on a entendu, où ici l'origine semblait être brandie comme un argument. Or, c'est un argument pour rien, dans ce contexte-là en tout cas. Quand on dit chercher ses origines, aller à la rencontre de parents qu'on n'a pas connus, il y a quelque chose qui est une demande qui est là, qui correspond à quelque chose de vital aussi. Absolument, je ne conteste pas ça, mais simplement, il faut se... Parce que là aussi, c'est une illusion, finalement. Non, mais il faut... À quelle date on fait référence ? Moi, je me souviens, lors d'un contrôle dans un aéroport, on m'a demandé, après un long questionnement, on m'a demandé quelle est votre origine. Et j'ai pas su répondre. Et j'ai tenté des réponses. J'ai dit, peut-être que vous vous intéressez à mes parents. Mais mes parents ont eu des grands-parents, qui eux-mêmes ont dû, etc. Mmh. Et donc, où est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce que c'est ma nationalité, mais vous avez mon passeport ? Est-ce que c'est ma religion ? Ça, c'est privé, etc. Et puis, si, jusqu'à où on remonte ? Il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de monothéisme. Et puis, moi, je suis fait d'atomes. Mes atomes ont été faits dans les étoiles. Ils vous ont laissé passer, j'imagine. Et non, ils m'ont retenu assez longtemps, en effet. Les atomes sont faits de protons et de neutrons qui ont été formés dans l'univers primordial. Les particules élémentaires, les quarks qui les constituent, étaient là avant les protons et les neutrons. Donc, en fait, mon origine, c'est le Big Bang, comme vous. Donc, où est-ce qu'on s'arrête ? Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'arbitraire dans le choix de l'origine. Et quand vous dites, à l'origine, il y avait ceci ou cela, vous devez préciser de quelle période vous parlez et en quoi elle a autorité pour faire référence. C'est surtout ça, la question. Voilà. En quoi elle a autorité pour faire référence ? Et pensez-vous qu'on puisse induire de notre ignorance en termes d'origine de l'univers la disqualification de la recherche d'origine aujourd'hui en termes de génétique, etc. Finalement, puisqu'on n'a pas la réponse à l'origine du monde, on peut éviter de faire comme si l'origine de toute chose était importante, au fond, y compris pour les individus. Oui, mais encore une fois, il y a quelque chose d'arbitraire. Je comprends qu'elle soit nécessaire d'un point de vue psychologique. On a besoin de se situer dans l'histoire et parmi les autres. Mais il ne faut pas que la recherche de l'origine soit un prétexte pour se séparer des autres. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, je l'ai constaté autour de moi, que certains cherchent l'origine pour montrer qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils voudraient une origine qui soit plus prestigieuse que celle de ceux qui les entourent. Et c'est ça que je trouve, disons, dommage. Je pense qu'on devrait plutôt s'accorder sur le monde que nous voulons, donc sur la suite de l'histoire, que sur le passé de chacun d'entre nous. Bien que les deux soient liés, justement, c'est ce que montrait le texte de Bergson, qu'on n'a pas commenté précisément, mais avec ce mouvement rétrograde du vrai, ça montre bien qu'au fond, le bon mouvement à adopter, ce n'est pas essayer de comprendre le présent en se référant au passé, mais de comprendre le passé en se référant au présent. En fait, ça change tout. Absolument, mais bon, disons que j'ai reçu un prospectus qui m'invite à me déclarer par une association, par l'adhésion à une association, fier d'être parisien. Mmh. Et ça me paraît bizarre parce qu'il s'agirait d'être fier d'une chose dont on n'est pas responsable. Alors pour moi, la fierté, elle est la récompense d'une forme de mérite. Et donc, c'est comme si on voulait s'accorder du mérite grâce à quelque chose pour lequel ou auquel nous ne devons rien. Ou qui ne nous doit rien, plutôt. Nous ne sommes pas responsables du fait d'être ceci ou cela. Mais il faudrait en quelque sorte trouver dans l'origine une raison d'être et de s'affirmer que notre seule existence ne pourrait pas garantir. Donc en 2 minutes, que c'est le temps qui nous reste pour conclure sur le paradoxe de l'œuf et de la poule qui nous a réunis ce matin, Étienne Klein. Il y a les pro-poules, il y a les pro-œufs. On n'a pas apporté de solution. En revanche, on a compris pourquoi la question se posait et pourquoi on pouvait ne jamais être d'accord. D'où les fâcheries possibles. Si vous vous fâchez pour un paradoxe logique, pourquoi pas, hein, on pourrait trouver d'autres raisons. Mais vous avez quand même esquissé une espèce de, non pas de solution, mais d'élément manquant, qui est le coq. Au fond, c'est dans cette direction que vous avanceriez. Et puis la remise en cause de la notion même de cause, qui est une notion que les physiciens ont abandonnée à cause de la mécanique quantique. Disons que les physiciens parlent d'un principe de causalité, mais qui s'énonce sans cause. Il n'y a pas de cause explicite parce qu'ils ont retenu la leçon de Bertrand Russell, qui disait ceci: il en va du concept de cause comme de la monarchie anglaise, à savoir qu'on ne l'a laissée survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts. Et ce principe de causalité sans cause en physique, il a des conséquences incroyables. Par exemple, il impose que le temps est linéaire et non pas cyclique chez Newton. Il impose qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Il impose l'existence de l'antimatière en physique des particules. Autrement dit, le principe de causalité, à savoir qu'on ne peut pas modifier le passé. Le passé est une forteresse improbable. Si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement